manque un peu les filles. Allez, Warby! Ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. C'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, le mercredi de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG 90.7 et aussi RIGFM.fr sur le net. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et puis aussi, oh d'accord, ok, il est un peu tard, hein, nous sommes le 15 avril je crois, ouais, c'est ça? Ou le 15 ou le 16? Oh, je ne sais plus, le 15 16 avril, merci. J'ai mes techniciens avec moi, j'ai mon assistance avec moi, magnifique, ils sont là, toujours. On est le 16 et pourtant je vais vous présenter aujourd'hui le live du mois d'avril. On n'est pas au mois de mai encore, hein. Non, c'est pas encore, c'est le mois prochain, c'est ça. Non, mais je fais exprès. Bienvenue à toutes et à tous, nous allons assister donc à un John Hallyday à la télévision. John Hallyday qui va sur des plateaux de télévision et qui va interpréter des titres en live, en direct et non pas en playback. On va commencer de 1960 et on va aller jusqu'à 1973. Donc vous allez découvrir John Hallyday aussi bien dans les émissions Télé Dimanche, Les Étoiles de la Chanson, Cadet Roussel et aussi le palmarès de la chanson. Vous allez retrouver un peu tout ça et on va commencer tout de suite. John Hallyday qui fait un de ses premiers shows à la télévision, c'était dans l'émission La Clé de Sol le 19 octobre 1960 à Bobino et il reprenait en direct une chanson de Jean Constantin qui s'intitulait Ne joue pas. Bonne soirée à toutes et à tous, voici John Hallyday en live à la télévision. Vous m'avez surpris parfois d'entendre certaines interprétations de vos chansons? Ah si, si. Hein? Eh bien écoutez, aujourd'hui, on est à la Nouvelle Vague en ce moment, hein? Alors on va vous présenter une de vos chansons chantée par un de la Nouvelle Vague. Johnny Hallyday, il s'appelle. Oh, vous le connaissez, hein? Alors, il va chanter Ne joue pas. Vous l'avez déjà entendu chanter par lui? Jamais. Eh bien voilà, pour la première fois, Johnny Hallyday, Ne joue pas. Courant. Oui, il y a comme un défaut là. Ça y est, ça marche. Oui, ah ben la Nouvelle Vague, vous savez, il arrive à peine, alors faut l'excuser si c'est pas encore très au point. Ça y est, non, ça marche toujours pas ça. Oui. Malheureux. Dès qu'on marche, ça ne marche plus, il paraît. Ça y est. Voilà, ça marche. Surtout ne joue pas, ne joue pas avec mon cœur, car il est pas plus fragile que moi, mon cœur. Tu peux, si tu veux, te consoler en jouant et rire de mes yeux qui ne voient que toi. Tu peux, si tu veux. Toi qui ne penses qu'à jouer avec mon cœur sans défense, et devant la joie de ton bonheur, surtout ne joue pas, ne joue pas avec mon cœur, car il est, crois-moi, plus fragile que moi. Te confier en souriant, des larmes qui voilent mes yeux qui ne voient que par toi qui ne pense qu'à jouer avec mon cœur. Mon cœur s'en dépense devant la joie de ton cœur qui ne bat plus que pour moi. Souvenir, souvenir, je vous retrouve à mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens de soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille dans mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Chemin. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour dans ma vie, illuminant l'avenir, parce que mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. De Genève le 4 janvier 1961, c'était sur une télévision, dans la télévision suisse. Le voici avec le petit clown de ton cœur, John Hayden, toujours au grillon de Genève. Quand tu es loin, je m'ennuie. Quand tu d'un garçon qui aimait avec passion, l'amour était son destin, et comme un petit pantin, il répétait sans fin. Quand tu es loin, je m'ennuie. Quand tu calmer le tourment qui déchire un cœur d'enfant. Quand on aime comme lui, on a droit au paradis. Écoutez-le quand il prie. Pour t'amuser, mon amour, je viens chanter dans ta cour. Tu fais de moi le petit clown de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur, de

près de moi. Pourtant elle cache ses yeux dans ses cheveux pour pleurer. Je cherche encore à savoir pourquoi. Joey Day là actuellement en 1966 lors du télédimanche du 19 juin. montagne, je regarde vers les hommes. Je me sens seul comme un train qu'on abandonne. La pluie coule en larmes sur le sol. Trop souvent je suis venu, mais trop souvent tout seul. J'étais si heureux quand je me prenais là-haut sur le monde du ciel. Jour après jour, je suis revenu l'attendre en mettant mon cœur à l'armée à cendre. Aussi, je pouvais être seul aussi. Aussi, je pouvais penser revenir ici. Mais je chaque fois te retrouver là-haut sur le monde du ciel. Et mon près du ciel, et mon près du ciel, j'y ai tant souffert. Du ciel, oh, ouais, c'est l'enfer. Ah, pas dans la ville, les gens vivent et les gens s'aiment. J'ai choisi l'église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'hôtel est couvert de fleurs. Les cordes qui sonnent cognent dans mon pauvre cœur. Et je pleure ce monde à l'éternité, là-haut sur le ventre du ciel. Yeah, I won't, baby. Back to Johnny Hallyday en 1966 pour le rejoindre en 1967, un an plus tard, toujours sur le plateau de Télédimanche. C'était le 11 juin, avec un public en délire. Hey Joe, cours pas comme ça, hey, y a pas le feu chez toi. Hey Joe, y'a dire bonjour, t'en mourras pas. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein? Mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Comme tu dis, la vie, c'est le métro à 6 heures.

mais il s'écrit. Et je ne veux plus t'ennuyer, oh non, ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. Change d'année, 1968 exactement, on passe au 29 septembre 1968, mais toujours sur le plateau de Télédimanche. Johnny nous interprète Jeune homme aussi dur que du bois et mal. Tu parles comme un homme, à croire que dans la vie t'as tout appris. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as vécu mille ans et plus. D'un enfant tout seul quand vient Noël. Oui, que sais-tu de ce chien dont le nez traite au ciel. Oui, que sais-tu d'un ami que l'amour a brisé. Oui, que sais-tu des amis qui ne pourront jamais, jamais l'aider. Si tu savais ce que je mal. Ah, il m'en fait bien trop de mal. Ah, il m'en fait bien trop de mal. Ah, oh, moi j'ai tant besoin d'un mur. Ah, j'ai tant besoin d'une fille qui puisse m'aimer. Ah, j'ai tant besoin d'une fille qui puisse m'aimer. Ah, d'un amour sincère. Ah, d'un amour sincère. Personne ne veut m'aimer. Ah, y a-t-il quelqu'un ici? Ah, y a-t-il quelqu'un ici maintenant? Ah, quelqu'un qui veuille m'aimer? Ah, ah, quelqu'un qui veuille m'aimer? Avec ma souffrance. trop mal, mal, mal. Comme une bête, je joue ce j'ai mal, mal, mal. J'ai déjà un homme qui me fait le trop mal. Que celle qui aime, et c'est pour elle. Elle dit, je l'appelle, comme elle était belle. Comme elle était belle. Comme elle était belle. Vous êtes bien sûr RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Et là, nous allons passer en 1971. Dans l'émission Les Étoiles de la Chanson, c'était le 29 juin 1971. Il va nous interpréter deux titres, Hommage à Louis Sarah et Il faut boire à la source. écoutez Érigé, la radio Érigé et l'émission Johnny de A à Z. Et à présent, nous sommes le mardi 10 août et dans l'émission Bienvenue chez Guy Béard, Johnny interprète La fille aux cheveux clairs, puis s'accompagnant à la guitare sèche, offre un beau florilège des chansons qui ont marqué ses tendres années. Dead or Alive et Home of the Range, puisés dans le répertoire country music, suivi d'un hommage à Presley avec Loving You, Blue Sweat Shoes et Heartbreak Hotel en duo avec Carlos. On va écouter trois extraits de ce Bienvenue à chez Guy Béard. Loving You, Dead or Alive et La fille aux cheveux clairs. Toi, tu sais ce que je veux chanter, Carlos? Je sais pas, Loving You? Ouais. I will spend my whole life to loving you, loving you. Winter, summer, springtime too. Loving you, loving you. Makes no difference where I go or what I do. You know if I'm seen with someone new, don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be true, always true, true to you. Send me

m'aime. Voyez ce que je veux dire. Oh, voyez ce que je veux dire. T'as besoin de me demander pourquoi j'ai l'air si fatigué. Voyez ce que je veux dire.

Et l'émission Johnny 2 à Z ce mercredi de 22h jusqu'à minuit, avec ce soir une émission spéciale live et avec les TV shows. Toujours dans ce cadet Roussel du 4 janvier 1973, voici Tu peux partir si tu le veux. Elle est née lors du Cadet Roussel du 22 février 1973. On le retrouve lors du Cadet Roussel du 14 juin 1974. Il interprète les titres Blue Sweat Shoes, Le Feu, J'ai besoin d'un ami, La musique que j'aime. On va retrouver tous ces titres, ces quatre titres-là, pour terminer cette émission spéciale live dans l'émission Johnny 2 à Z. Show to the girl who really not go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do the flavor of my blue suede shoes. Look at how I cut me down, step on my face, shout out my name. Don't you shiver my blue suede shoes? We can do anything but lay off of my blue suede shoes. Hey! That's a one for the money, two for the show. Two to get it ready now, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. Oh, where's your blue, blue, blue suede shoes, baby? Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes.

j'ai ma prière pour te garder. Tu t'as la musique que j'aime. Et voilà, bien le plus. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'ai mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure, mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Johnny de A à Z avec l'émission live du mois, le live TV, première partie. Vous aurez droit à la seconde partie le mois prochain, le premier mercredi du mois de mai. Et voilà, on s'est arrêté en 1973 et on poursuivra cette prochaine aventure en 1974 jusqu'à 1982. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir écouté cette émission. Et vous la retrouverez bien entendu en podcast dès demain. A bientôt à toutes et à tous, à la semaine prochaine, ciao ciao!